Je me rappelle une fois, j'étais allé chez les Jawa bilingues. Utini. Salut les gars, je suis content de vous voir. Je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je parte. Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va parler des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va parler des chips? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Hux politiquement. Hux? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Hux? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Hux est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi. Bonne année à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast le plus kinky de la galaxie. Je suis Grushkov, et comme d'habitude, je serai accompagné de mes chers membres d'équipage Tuki. Bonsoir. Ximnut. Salut. Matt. Bonsoir. Et que moi qui ai pas eu le mémo en fait. Et Adrien, notre nouveau bébé. C'était le bonsoir le plus kinky. Ça c'est kinky. Ah, toujours. Comment vous allez tout le monde? Bien. Ah ouais, cool. Bonne année à tout le monde déjà. C'est un peu dur sur la fin de la 2019 là, mais ouais, ça va mieux maintenant. Depuis mi-décembre, j'ai la gueule de bois, je sais pas ce que c'est. Mais du bois. Oh, bonne année aussi à Adrien. Et du coup, tout le monde, comme vous l'avez entendu dans l'intro de l'épisode, aujourd'hui, on va parler... Des chips. Qu'est-ce que c'est, les chips? C'est des trucs de pommes de terre, on mange avec du sel. Eh non, avec un S, comme les bateaux. Mais en fait, c'est l'action de prendre un bateau et tu joues avec comme ça. On se demande pourquoi les gens s'énervent. C'est bien les bateaux. Ah ouais. Ça pollue beaucoup, je pense, c'est pour ça. Les mecs, ils ont pas aimé Titanic et c'est-à-dire qu'ils ont un PTSD par rapport à ça. C'est bien. J'ai l'iceberg. Alors, qu'est-ce que c'est donc des chips? les chips, c'est l'action de prendre deux personnages de fiction ou plus, hein, d'ailleurs, et de dire, eh bien, ces deux-là, je veux qu'ils soient ensemble. J'aimerais bien qu'ils soient ensemble. Et donc, ça vient de l'anglais de relationship. Ouais, du shipping. Ou crème oignon, ça marche pour des chips. Oui, bah, par exemple, tu prends crème et oignon, imagé, tu es fait, et puis voilà, dans l'univers de Pringles, ça fait des chips. Ah. Oui, en plus, c'est très imagé. Un des chips que moi je connaissais le plus avant de me lancer là-dedans aussi, c'était Dramion par exemple dans Harry Potter, ou Drari qui a été en fait des chips. Ouais, voilà, c'est ça. C'est donc en fait, des fois, ça donne des noms comme ça. Donc Dramion, c'est Drago Malfoy et Hermione. Et Drari, c'est le meilleur, hein, c'est Drago Malfoy et Harry Potter, dans la saga Harry Potter. Mm-hmm. Mais c'est pas du tout un truc nouveau. Hein. Il faut savoir que le shipping et tout, ça existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ça existait aussi dans la trilogie originale. Et on va en parler tout à l'heure parce que c'est très rigolo, quoi. Comment ça s'est passé par rapport à la trilogie originale. Parce que si vous pensez que la guerre des chips actuelle de Star Wars, c'est violent, et ben en fait, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les années 80. Ah, carrément, la guerre des chips. Oui, la guerre, c'est la baston. C'est Star Wars, c'est Shipping Wars, mec. On n'est pas là pour déconner. Bah, ce serait bien si c'était juste des batailles de bites, quoi, mais... Genre les gens qui font du sword fight avec leur bite, mais c'est pas ça. Ouais, c'est leur sabre laser, quoi, c'est ça. Ah, tellement bien. Allez, et vous êtes quatre personnes à bite, vous voulez pas faire des duels, et puis moi je regarde. Je suis beaucoup trop impressionné par Grushkov. Bah tu devrais pas. On part littéralement en couille. Hein, Mais c'est dire que j'essaie de faire la conversation et puis personne n'écoute. Et du coup voilà, les ships, ça peut être parfois canon, hein, comme par exemple Reylo, ou ça peut être pas canon, comme par exemple Finray. Non, voilà, c'est dans tous les univers, c'est comme ça. Et en fait, c'est un aspect qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui participent à ça, qui prennent ça très au sérieux. Mais il faut quand même pas oublier que ça reste quand même, c'est juste des films. mais voilà, il y en a beaucoup. Et je me demandais, est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà shippé des personnages comme ça, que ce soit dans Star Wars ou dans d'autres univers. Qui c'est qui commence? Mais bah celui toi, qui puisque tu parles en premier. Allez. Moi, c'est vrai que les ships, c'est un truc que j'ai découvert un peu sur le tard, notamment grâce à vous, et puis justement... Grâce ou à cause? Ouais, bon bah ça c'est une autre question, mais voilà, sur les réseaux sociaux, moi c'est vrai que c'est un truc que j'ai surtout vu, dont j'entendais surtout parler dans l'univers des jeux vidéo, surtout que voilà, c'était un truc qui existait assez, dans les jeux vidéo c'est un truc, tous les aspects romans c'est des trucs qui sont pas super développés, donc les gens sont frustrés, se les créent eux-mêmes, c'est surtout à partir de là que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et c'est vrai que je dois admettre que dans Star Wars, en dehors de celles qui étaient vraiment développées à l'écran, c'est pas un truc où je me suis vraiment posé la question. C'est pas le truc qui m'occupait le plus quand je me posais des questions par rapport à Star Wars. Donc moi, je dois admettre que, par exemple, Storm Pilot, dont on va sûrement parler plus tard, hein, c'est, ou même les Reylo dont tu as parlé juste avant, c'est un truc où je me suis vraiment intéressé que récemment, que à partir du moment où les nouveaux films sont arrivés. Avant, je ne me suis pas trop posé la question. Et même pour être honnête, Reylo, je trouvais ça intéressant, mais c'était quand même un truc qui était déjà relativement suggéré à l'écran. Je trouvais que c'était relativement... clair, la manière dont c'était présenté, c'est pas vraiment pour. Comme je dis, moi, c'est pas un truc que je connais très très bien. Pour moi, les ships, c'est vraiment un truc que les gens vont créer d'eux-mêmes. C'est pas un truc qui va être plus ou moins suggéré à l'écran, comme par exemple Anakin et Padmé. Ça, je veux dire, c'est quand même assez clair que ça existe pour de vrai. C'est pas suggéré, ça t'est enfoncé dans les côtes tout le long du film. Oui, voilà, pas méga subtilement. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, quand je pense chiffre, je pense plutôt à un truc qui est moins subtil à l'écran. Donc voilà. Ouais. En fait, non, en fait, c'est les deux. En okay. fait, c'est les okay. deux. C'est des trucs qui sont montrés à l'écran ou des trucs complètement... pas du tout. qui n'ont rien à voir. Il y a des ships assez rigolos, d'ailleurs, de personnages qui n'ont jamais interagi les uns avec les autres. Mmh. Donc depuis, je me suis intéressé, je me suis posé des questions. J'en ai un ou deux qui sont rigolos, mais voilà, c'est récent pour moi. Ok. Bah, alors c'est quoi les deux qui sont rigolos? Ah, on commence d'entrée, ouais. Ah ben... Vas-y. Bah, c'est vrai que... En fait, c'est en discutant hier avec ma chérie, je lui ai dit, bah voilà, on fait ça là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? On va faire sur ce sujet. Et elle, il y en a un qu'elle aime bien. Alors, en fait, c'est lié à un autre film où les deux acteurs sont déjà ensemble. Je sais pas si vous avez vu le movie Ex Machina ou Ex Machina. Ouais. Si. Ah oui, et donc, elle ship Hux et Poe. Yes. Parce qu'ils se disent bien, notamment dans The Last Jedi. Et pour elle, le moment où Hux... Est-ce qu'on est déjà en full spoiler pour Tross? Ah oui, pardon. Alors, excusez-moi tout le monde. C'est vrai que j'ai déjà spoilé, vu que j'ai dit que Reylo était canon et Finray était pas canon. Donc, je vais peut-être mettre un truc comme ça. Attention, c'est spoiler. Bon, bah voilà. Pour elle, le moment de la trahison de Hux du premier ordre, c'est pas pour emmerder Kylo, c'est pour les beaux yeux du beau pilote. Oh, c'est mignon. C'est génial. Voilà. C'est trop bien. Donc ça en fait déjà un voilà, que je trouve intéressant. Et je me suis dit, mais en fait, t'as complètement raison. Et du coup, il y a un film avec les deux acteurs en même film. Ouais, Ex Machina, ouais. Il est bien, il est bien trop, ce film. Trop bien. Je l'ai pas vu, mais elle l'a trouvé ça vraiment très très bien. Donc elle était super contente de les revoir. Il est méconnaissable. Oscar Isaac, il est méconnaissable dedans. Ah ouais, j'oublie tout le temps que c'est lui. Ouais, il joue si bien. Très très bien dedans. J'irai voir ça. Ah, il est je te le conseille, il est vraiment vraiment très cool. J'essaye de voir s'il y a un... Oh, zut, je trouve pas. J'essayais de voir parce que j'ai pas tous les noms de ship en tête, parce que oui, il y en a qui ont des noms, hein. Par exemple Expo. Kylo non, attends, c'est quoi? Oui, Kylo et Po, c'est un ship qui existe et ça s'appelle Dark Pilot par exemple. Ouais, je serais curieux d'entendre l'argumentation pour celui-là. Poe Dameron, Armitage Hux, je crois qu'il n'y a pas de nom. Ah non, ça c'est dans Archive. Okay, bah je l'ai pas vu sur la vidéo que vous avez partagée là. Qu'est-ce que vos chips, que disent vos chips sur votre personnalité? Je l'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu non plus. Ouais, ouais. Bah, c'est dommage, c'est un truc rigolo. Je m'en regardais en plus. On le partage. J'adore parce que tu m'en parles même pas directement alors que je vis sous le même toit que toi. Ouais, mais j'en ai un à foutre de toi. Ok. Bah, bien, c'est honnête. Non, mais je pensais que tu le verrais. Bonne année. Ok, on va essayer de faire vite et on va parler un peu plus en profondeur des chips après. Du coup, quelqu'un d'autre en a là des trucs Moi, tant que j'oublie pas, parce que sinon je vais encore oublier. Je crois que mon premier chip, c'était Sailor Moon et son prince, ce qui était canon, hein, mais ils arrivaient jamais à finir ensemble. C'était triste. J'aime bien les histoires d'amour tristes. Mais ça me rend malheureuse aussi, du coup, je sais pas si j'aime vraiment. Mais du coup, ouais, il y avait celui-là. Je pense que j'en ai eu plein d'autres, mais comme j'ai des pertes de mémoire, je ne saurais le dire. Je sais qu'il y a eu un des ships qui m'a le plus marqué, c'était le comte Cain et son valet qui s'appelait Riff. Je sais plus le nom du valet. C'est dans un manga qui s'appelle Godchild. Et il y avait tout cette relation ambiguë entre le jeune homme héritier d'un comte machin truc et son valet qui le protégeait. Enfin, leur relation était super ambiguë. Et je pense que c'était fait exprès et j'ai fait tomber un Lego, pardon. Et sinon, je me shippe moi avec des personnages, mais du coup, je sais pas si ça compte. C'est du self-insert, ça, c'est... Encore autre chose. Et pour Star Wars, le Anidala. Anidala, ouais. Ben, tu sais bien que quand j'ai vu pour la première fois la prélogie et qu'après j'ai revu la trilogie originale, j'ai pleuré quand Vador mourait parce que ça voulait dire qu'il n'avait jamais revu Padmé. Ouais. Heureusement qu'ils ont réglé ça avec la postlogie et le Reverse Anidala. Hein. Ouais. On va en parler juste après. Et puis dans la postlogie, hein, Relo, Storm Pilot, voilà. Même pas Kylox. Non. C'est rigolo, mais non. Je l'aime bien Kylox. Je l'aime bien. Ça ne m'étonne pas de toi. Du coup, Ximnet. Oh non, là c'est cette histoire du mec et de son valet. Moi, ça m'en fait penser à un que. Ça m'est quand même passé. Tu parlais des premières fois où on s'est posé la question, et moi il y en a, ça m'a fait, je m'en suis rappelé d'un et qui m'est quand même passé plusieurs fois par la tête. Je sais pas si vous avez déjà lu la, donc c'est pas Star Wars, mais c'est la première fois que je me suis posé ce genre de question. Si vous avez lu la BD Alix, non, j'ai jamais lu. C'est une vieille BD qui se passe dans l'Empire romain. Il y a un, si vous connaissez pas, c'est moins rigolo, mais bon bref, il y a un mec, le personnage je connais, mais j'ai jamais lu, qui est Alix et qui est avec son pote Enak, qui passe la moitié, si ce n'est 75% des BD dont ils sont, être à moitié à poil et à être toujours à l'aventure comme ça, voilà, c'est toujours ensemble, toujours super proches l'un de l'autre. Et là, pour question ambiguïté, on est quand même bien bien haut. Donc ça m'est quand même passé par la tête une ou deux fois. Non, mais évidemment, c'est moins rigolo si vous connaissez pas la BD. Ok. Du coup, Matt, t'avais commencé à dire que Kylox, ça te plaisait? Je trouve ça rigolo. J'aime bien. C'est marrant. C'est entre Kylo et Hux. C'est ça. Moi, ça, mais j'aime bien grâce à l'épisode 8, en fait, où on a un début de dynamique très sympa entre les deux personnages, qui a été complètement bousillé derrière. Mais bref, j'aime bien ce que le film essaye d'amener, et c'est rigolo effectivement d'imaginer un ship entre les deux. Un peu kinky, il faut se l'avouer, mais c'est rigolo. Et c'est tout ? C'est tout, parce que moi à la base, j'ai jamais shippé personne ni quoi que ce soit en fait. Donc j'ai découvert un peu ça, ouais, pareil avec l'épisode 7 et encore 8. J'ai entendu parler des Raylo, je crois que le 8. Mais c'est à peu près tout, quoi. Enfin, je voyais bien qu'il y avait, qu'on pouvait imaginer un truc entre Poe et Finn. J'espérais aussi, mais au-delà de ça, j'avais jamais mis des mots sur le fait de, voilà, déjà de mettre des personnages fictifs ensemble, ce genre de truc. Donc vraiment, c'est, moi, c'est un truc qui me dépasse complètement. Je n'y connais rien. D'accord. Ok. Et toi, mon petit Adrien ? Oh là là là là, alors là, on a pas fini. Alors non, en vrai, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, mais je pense que le premier ship pour lequel j'ai vraiment j'ai mis devant mon écran, ça devait être pour la série Sherlock, donc pour Sherlock et Watson. Oh putain, oui. Oui, aussi. Et vraiment, ils sont trop mignons. Et voilà, le problème, c'est que Steven Moffat, c'est un putain d'homophobe, donc oh merde. Donc il a jamais pu assumer jusqu'au bout, mais voilà. Et sinon, pour Star Wars. Pour Star Wars, les chips, ça m'est venu en fait il y a pas si longtemps que ça. Je commençais à me douter qu'il y avait un truc entre Rey et Kylo Ren à partir de l'épisode 7, mais j'ai commencé en fait à avoir à vraiment être un Reylo quand j'ai vu un fan art. Quand j'ai vu un fan art où en fait il y avait donc Rey qui était enceinte et donc Ben devant elle qui lui tenait le ventre et qui était inquiet, et elle disait juste « It's okay, Ben, the baby's fine ». Et juste ça, je trouvais ça adorable. Et donc, depuis, je suis un Reylo, mais j'ai été d'abord, je pense, un Storm Pilot avant d'être un Reylo, parce qu'en fait, je trouvais que la relation dans le set entre Finn et Poe était beaucoup plus... Elle crevait plus l'écran que ouais. Reylo, je trouvais, dans l'épisode 7. Ouais. Mais donc, depuis après, j'ai des... Depuis vraiment cet été, j'ai commencé à vraiment, vraiment ship un peu tout et n'importe quoi. Et dont, en fait, ben, C3PO et R2D2, que je trouve vraiment adorables. Et que. Non, mais vraiment, genre, en fait, ben, en plus. On dirait vraiment un vieux couple. mais c'est ça, et en plus, genre, dans le 9, littéralement, C3PO lui enfonce sa mémoire, tu vois, genre, tu sais, quand tu lui mets le cap dans la tête, enfin, c'est. C'est hyper sexuel quand même cette histoire. mais sinon, non mais vraiment. Mais sinon, voilà. Après, je shippe aussi, un peu. Même si pour le coup, ils interagissent pas ensemble, mais je trouvais que Naomi Aki et Kelly Marie Tran avaient un bon feeling ensemble pour le press tour. Voilà, pour le press tour, et du coup, je me suis dit, Jana et Rose, pourquoi pas, quoi, mais non. Ouais, elles vont être colocataires en plus bientôt. C'est vrai ? Ouais. Oui, comment ça ? Ah, mais me dis pas Naomi ça à moi. Naomi a décidé là. De déménager pour vivre avec Rose. Juste parce qu'elle peut, voilà, il n'y a pas, Kelly, pas une raison particulière. Juste parce que depuis qu'elles se sont rencontrées sur le tournage, elles sont super amies et elles se lâchent plus. Trop cool. Mais c'est. Non, mais. Oh my god, mais me dis pas ça à moi, là, je fonds. Actuellement, je fonds. Mais tu l'as pas vu, il y avait un gars qui voulait leur poser des questions, je sais plus si c'était la première de Tross ou un truc comme ça, et elle parlait que de leur relation. Pas aux personnages. Mais. T'as Naomi qui lui fait. T'es la femme la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle et la plus forte que j'ai rencontrée. À chaque fois que je te vois, je trépigne en me disant « Oh, je suis amie avec une femme si merveilleuse !» Non, mais moi, je veux une série spin-off sur ces deux personnages, honnêtement. C'est beau. Mais c'est encore mieux, tu l'as pour de vrai. Mais ouais. Après, je suis moins fan de shipper des vraies personnes. Mais parce que je trouve qu'éthiquement parlant c'est moins ouf, mais juste ça c'est adorable, enfin elles sont toutes les deux adorables, hein. Naomi Aki, c'est du gâchis de leur mis si peu d'importance dans le film, quoi. Mais elle m'a fait pleurer dans le film, hein. Et Kelly Marie Tran, j'en parle même pas parce que voilà, vous me connaissez maintenant, mais Naomi Aki c'est une actrice mais formidable, et tu regardes dans la saison 2 de The End of the Fucking World, mais elle crève l'écran du début à la fin de la saison 2, quoi. C'est normal, c'est la fin du monde, alors il faut bien qu'à un moment l'écran y crève. C'est des belles paroles ce que tu dis là finalement, Grushkov. Du coup, vu que tu parlais de... Vas-y, vas-y. Vu que tu parlais de Sherlock, j'avais complètement oublié, et ben, il y avait aussi Dean et Castiel dans Supernatural. Ah oui, bah ça, j'ai moins regardé Supernatural encore, il faut que je rattrape mon retard. Mais le pire, c'est qu'ils le savent, parce qu'à un moment, dans la série, ils assistent à une scène de théâtre, et il y a des gamines qui sont en couple, et elles jouent Dean et Castiel. Ok, alors merci, parce que tu me fais penser à un truc qui est aussi dans Supernatural, c'est les gens qui dans Supernatural, ship Dean et Sam, qui sont frères. Ça me fait penser justement à un des trucs dont je voulais parler, c'est que là on parle plutôt des ships plus récents, hein, de la nouvelle trilogie. On n'a pas trop parlé de... Si on pouvait parler des séries animées, moi je dirais que il y avait des ships entre Kainan et... Pas Ezra. Comment ça s'appelle? Je vais pas regarder Rebels. Bah, et Hera, et du coup, c'est canon. Fritzorka, c'est canon. Hein. C'est comme des Rebels Minutes. Pour moi, c'est des vraies relations. Il y a pas de... Enfin, c'est assez... Bah ouais. Mais vu qu'elles n'étaient pas montrées comme telles au début. Jusqu'à ce que ce soit... Canon. Ouais. Ah d'accord, canon. Oui. Et encore, on va voir là maintenant justement que, par exemple, il y a des gens qui... à l'époque de la trilogie originale, et je pense que certaines personnes qui ont écrit l'épisode 9 sont toujours dans ce cas-là des gens qui shippaient Luke et Leia. Il y avait donc ouais. Mais du coup il y a une petite guéguerre entre les ships parce que ben il y en a qui sont canons, d'autres qui sont pas canons, et apparemment t'as pas le droit de shipper de personnages fictionnels sans que ça veuille dire que tu veux tuer tout le monde, parce que a priori c'est ça que ça veut dire. Et alors c'était un ship qui existait déjà depuis, je pense, l'épisode 4, hein, le ship entre Luke et Leia. Mais c'est-à-dire que suite à l'épisode 6, il y en a certains qui étaient pas très contents. Il y en a qui ont fait avec. Ils se sont dit bof. La plupart des gens ont fait avec. Mais quelque part, ça a dû lancer une... La plupart des gens sont passés à autre chose. Ça a dû lancer une tendance, parce que faut voir là les thématiques qu'on voit en ce moment sur les vidéos porno et tout, là, tout ce qui tourne en ce moment, là, à mon avis, j'ai peur que Star Wars ait un rôle à jouer là-dedans. Hein, pardon, ça me fait un peu peur. Alors, si tu veux bien, étendre un peu, parce que nous, on n'a aucune idée de quoi tu parles. Bon, allez, vous avez... Ils en ont même parlé dans la vidéo. Ils en parlaient dans la vidéo. Dans la vidéo, là, justement, qui parlait de ce que vos ships disent sur vous. Ah oui, mais je l'ai pas vu, moi. Ah ok, bon ben... Mais vous avez pas vu que toutes les vidéos, tout ces tas de vidéos qui nous mettent avec des histoires de belles filles, de beaux parents qui baisent ensemble et ça, tout. Ah, mais ça a l'air de dater, en plus, surtout les trucs canadiens, genre un Canadien et son père baissent la belle-mère ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous mettez les Canadiens là-dedans? Il aura fallu 23 minutes. C'est pas vrai. Parfois, je m'ennuie. Ok. Donc, quelle horreur. Ouais. Parfois, je m'ennuie. Ok, je me souviendrai. Donc voilà, il y avait des gens qui shippaient Luke et Leia, des gens qui shippaient Han et Leia. Et évidemment, après la sortie de l'épisode 6, eh ben c'est parti en guerre ouverte, hein, où ils sont mis à insulter... à s'insulter les uns les autres beaucoup de monde ont refusé que Luke et Leia soient frères et sœurs, que Han et Leia soient ensemble. Ils refusaient. C'est comme les gens qui disent. Ça devait être des Canadiens. C'est... Mais cette réputation. Du coup, c'est un truc qui est connu sous le nom de The Luke and Han War, donc la guerre de Luke et Han, avec d'un côté, alors faut que je vous retrouve le nom, The Great Church of Ford, donc la grande église de Ford, et The Cathedral of Luke, la cathédrale de Luke. Wow. C'était les deux camps. Les mecs, comment ils faisaient ceux qui étaient pour Luke, est-ce qu'ils refusaient ce qui se passait dans le film, ou est-ce qu'ils disaient non, mes frères et sœurs, c'est métaphorique, ou j'en sais rien, c'est pas grave, on a l'habitude. Non, non, non. Alors, mais c'est un truc qu'on est en train de voir aussi maintenant, c'est-à-dire que voilà, vous avez vu le film. Est-ce que Reylo est canon? Bah oui. Bah oui. Oui. Oui. Non, non, en fait, ils sont de la même famille parce que Palpatine a créé Anakin. Alors, déjà, non. Non. On peut vous pointer vers notre tout premier épisode. Ça a été confirmé et reconfirmé et reconfirmé depuis. C'était même récemment par Charles Soule lui-même, le récemment oui, oui. encore. Hein, le gars qui a écrit le truc vous dit non. Mais c'est un truc qui avait déjà à l'époque, du coup, qu'il y a toujours maintenant. Ouais. C'est les gens qui refusent ce qui est vrai et qui, du coup, non seulement refusent ce qui a été dit dans les films, les trucs comme ça, mais en plus vont devenir super violents envers les gens qui eux avaient raison, même si c'est pas vraiment ça le souci en fait. C'est qu'ils sont dans le déni alors s'ils s'énervent. T'as une espèce de déni et ça se tourne en violence et c'est là où j'ai envie de dire c'est il faut se calmer, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est ça, même les chiffres de manière générale. Genre, c'est que des personnages fictifs, quoi. Calmez-vous, c'est pas. Mais ce besoin de shipper les personnages, justement, de les mettre ensemble. Bon, ça, c'est fun, tu vois. Mais justement, c'est ça le souci, c'est que c'est censé rester fun. C'est pour s'amuser. C'est parce que ça te rend heureux de les voir ensemble, quoi. Tu trouves ça beau? Ouais. Mais à quel moment tu passes ta vie là-dessus pour aller si loin, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me demandais les personnes qui vont commenter les fan art Halo où t'as juste Ben et Ray qui sont mignons avec leur petite famille et tout et qui commentent ça en disant c'est de l'inceste. Du coup, ils ont réagi comment quand ils ont regardé Game of Thrones? Bah, c'est de l'inceste. Oui, mais du coup, ça les dérangeait ou pas C'est pas le même type d'histoire. Non, mais alors en plus là, la dernière fois, il était avec moi. À ce moment-là, Matt, c'est que il y a quelqu'un avec qui on a parlé qui s'énervait un peu dans nos mentions et qui on parlait d'un truc qui n'avait rien à voir et qui commence à nous dire ouais mais Reylo c'est une relation abusive et tout machin truc et tout et qui finit par un tweet en mode de toute façon toutes les Reylo c'est des gens qui aiment comment dire romantiser les abus, les viols, les trucs comme ça et tout. Et j'ai rarement été autant en colère parce que c'est de la fiction. Avoir un avis sur quelque chose de fictionnel, ça ne reflète pas forcément ton avis dans la vraie vie. C'est ça. Surtout avec Star Wars, j'ai envie de dire, parce que dans Star Wars, en fait, tout le monde est un criminel. Hein, donc, à partir d'un moment, même les gentils, je veux dire, Han Solo, il a tué plein de gens en dehors de la guerre. Hein, Rip Greedo. C'est un connard. Si tu prends tout au pied de la lettre, en fait, dans Star Wars, tu te retrouves vite dans un engrenage qui te fait dire, mais vraiment, vraiment n'importe quoi, et des choses qui peuvent devenir très vite très offensantes. Et ça, peu importe en fait que ton chip soit canon ou pas, il faut toujours penser à prendre un peu de recul parce que c'est juste des films. Ouais, et puis un chip c'est pour soi quoi. Les gens ont le droit d'apprécier certaines choses. T'as pas à aller leur dire t'as tort d'apprécier ça. Ils apprécient tel film, ils apprécient telle chose dans ce film. Ben qu'est-ce que ça peut te foutre? On devrait pas avoir à juger comme la manière dont les gens appréhendent les films, quoi, clairement. Oui, oui, parce que chacun a son propre ressenti, ouais, chacun a sa propre interprétation. Et d'ailleurs, c'était extrêmement misogyne, ce commentaire-là, parce qu'elle disait spécifiquement que les femmes Reylo étaient des femmes qui projetaient les abus qu'elles avaient subis dans la relation Rey-Kylo, et que du coup, elles romantisaient leur viol. Enfin, c'était ultra problématique, totalement abject. Et souvent, c'est des commentaires très misogynes comme ça, parce qu'on reproche pas ça aux gars Reylo. Tout ce qu'on leur reproche au pire, c'est de faire des fanfictions dégueulasses. Voilà. Mais on va pas juger de leur état mental sur leur ship. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que il y a un truc qui est assez intéressant aussi avec les ships, c'est tout ce qui est travail de fan, donc des fanfictions, ou des fanarts. Et du coup, c'est parti de là, d'ailleurs, parce que cette personne-là avait vu des fanarts qui, moi, je trouvais qui étaient dégueulasses. Le problème, c'est que ce genre de fanart dégueulasse qui hypersexualise certains personnages féminins et qui sont... qui comment ça, qui l'indigne ? Non, c'est pas ça. Ouais. Qui souille le personnage ou un truc comme ça. C'est pas un problème qui vient spécifiquement de citer Reylo ou Kylox ou un truc comme ça. Ça vient, je veux dire, moi quand j'étais ado, j'ai vu des tonnes de trucs oui, comme ça dans les animés, les trucs comme ça. C'est masculine, oui. C'est partout. Et mais il faut bien faire la distinction entre le shipping et ce genre de trucs obscènes un peu dérangeants. C'est pas exactement la même chose. C'est comme la règle 34, hein, de toute façon. C'est exactement c'est ça. Parce que la majorité des rélos, et notamment les femmes, font des fanarts magnifiques, très bien dessinés, avec une super qualité, où c'est des trucs ultra mignons, genre des câlins, des trucs romantiques, ou alors eux, avec leur famille, enfin, c'est des trucs super, super choupis. Les trucs dégueulasses comme ça, ça vient pas du ship en soi, ça vient souvent de, bah, comme vous disiez, hein, de mecs, et de leur tendance prédatrice. Triste envers les femmes et les personnages féminins. Je trouvais c'est un truc assez fantastique rapport à Kylox, et c'est aussi, je crois, une en partie parce que pour ça que j'aime bien ce ship-là. Quelqu'un sur Instagram qui fait des photos, alors ça, avec des poupées en résine qui sont travaillées de façon à ressembler à Kylo et à Hux, et qui sont dans des situations un peu de domination, quoi. Généralement, c'est plutôt Kylo qui est dominé, mais c'est vachement esthétisé, c'est très travaillé, c'est sacrément bossé, c'est jamais vulgaire, et je trouve ça marrant parce que ça rejoint en même temps la thématique vraiment de ce ship-là en particulier, je trouve. Et en même temps, il y a un vrai travail dessus, bah, de photos, de maquillage des poupées, de lumière, de tout ce que de costumes, parce que tout ça, ça a dû être fait main. C'est assez impressionnant, quoi, d'aller jusque-là dans le délire, quoi, dans le ship, ouais. Voilà, mais je trouvais ça rigolo, mais voilà, ça qui est bien avec les fanbases, c'est qu'on trouve à la fois le tout, on peut trouver des magnifiques fanarts, j'en ai encore vu aujourd'hui passer, là, de Reylo. Et puis évidemment, si tu vas dans la fange de l'internet, si tu vas dans le trou à merde de l'internet, tu vas trouver de la merde, faut pas s'étonner non plus, enfin, tu tapes n'importe quelle licence, tu rajoutes porn derrière, tu vas tomber sur quelque chose. C'est pas le fait, voilà, c'est pas le fait d'être, c'est pas les Kylo qui sont dégueulasses plus que les autres, il y en a partout, quoi. Et ouais, c'est souvent les mecs les plus problématiques. Oui, et c'est aussi beaucoup un problème qu'il y a maintenant et qui avait un petit peu, justement, à l'époque, avant, c'est que souvent ce genre de truc, ça retombe toujours sur les femmes. Ça me pose beaucoup de problèmes que à côté t'as des mecs qui sont ultra racistes, sexistes, qui ont fait partir Daisy Ridley et comment elle s'appelle, Kelly Marie Tran d'internet. Mais comme par hasard, voilà, ça retombe toujours sur les femmes. À l'époque, c'était pareil, c'était des guerres de fans et du coup de femmes. Hein, quand c'était Anne et Luke, alors du coup elles étaient traitées de folles ou de trucs comme ça. C'est toujours très plaisant de voir que non les mecs ils peuvent être les pires sales merdes du monde, ils s'en sortiront toujours parce qu'il y aura toujours une femme qui va dire un truc un peu con, et du coup toutes les femmes qui pensent la même chose, toutes les femmes qui font partie du même type de femmes d'hommes vont être considérées comme des monstres, pareil. Mais c'est vrai que moi le truc, en fait, je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord ou non, c'est que le problème pour de cette violence qu'il y a avec par rapport au ship, c'est pas forcément juste le problème des ships, en fait, c'est un truc général qui est le fait de, c'est compliqué de discuter sur internet, notamment avec des gens qui sont pas d'accord avec toi. C'est un truc qu'on voit un peu dans tout, en fait. Et puis alors là, pour le coup, je vais peut-être commencer par une généralité. Vous allez me dire si on se si je me trompe, mais tout ce qui était justement d'écrire des fanfictions et de faire des ships, c'était d'abord les femmes qui l'ont fait, peut-être principalement. Bah, c'est toujours principalement des femmes. Ouais. D'ailleurs, je voulais dire, allez voir sur AO3, qui est un site où il y a plein de fanfictions de plein de ships différents, ou même de pas de ships et tout. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, surtout de Star Wars. C'est l'abréviation de quoi déjà, AO3 Archives of Our Own. Oui, voilà, oui. Et donc moi, j'en ai entendu parler pour la première fois dans un article. C'était sur Kotaku ou sur IO9, je ne sais plus, mais voilà, un site anglophone, et qui parlait du fait que tout ce qui était culture, disons, tout ce qui était... disons, initiative de fans faite par des femmes était généralement automatiquement ridiculisée ou considérée comme voilà triviale, et que le ship et la fanfiction, c'est juste un autre exemple de ça. C'était un article qui était à propos de Twilight, notamment pour la première fois où les acteurs de Twilight étaient venus à la Comic-Con, et comment les gros fans barbus, les vrais, s'étaient dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce qu'ils font à la Comic-Con, et voilà. Et donc, on peut l'extendre à un tas d'autres trucs dans lesquels les femmes sont majoritairement impliquées, c'est toujours le même type de réaction. Quoi. Les gros fans barbus de Twilight. Exactement, et c'est un gros souci qu'on a encore là, maintenant, et alors que... Mais en fait, c'est ça. C'est, si t'as un mec qui fait du cosplay, ça va passer. Ça va être, oh, trop cool et tout. Ou alors d'autres gens, des gens qui sont fans de rien du tout, qui vont se foutre de leur gueule. Mais en général, ça va être très accepté. Voire les gens vont. Je sais pas comment on dit en français praise, féliciter. Ouais, c'est pas mal ça. Alors que une femme qui va écrire une petite fanfiction ou même une grosse fanfiction, on va se foutre de sa gueule, alors que c'est de la création aussi, c'est tu sais, saving what you love. Mais le pire que ça, c'est que c'est la création, et puis c'est innocent, je veux dire, ça c'est inoffensif. Mais alors ouais. Pour le coup, tout ça c'est absolument dans tous les domaines, en général, dans la vraie vie et tout. Hein, alors, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le patriarcat. C'est ce truc où si t'as un vagin ou une vulve, de toute façon, c'est de la merde, et il y aura toujours quelqu'un avec une bite qui sera mieux que toi. Et pour parler des cosplays, il y avait tout un truc à un moment qui s'appelait... cosplay par rapport à ton physique. C'était according to your body type. Et c'était en fait des gens qui prenaient des photos de cosplayeuses meufs qui cosplayaient ce qu'elles avaient envie, mais comme elles étaient grosses, c'était genre « Ah, merci, on n'a pas envie de voir ça !» Alors que généralement, quand t'avais un mec gros qui cosplayait, je sais pas, Superman ou Batman, au pire, c'était « Oh, c'est rigolo !» Ou au mieux, tout le monde s'en foutait. Mais quand c'était des meufs qui cosplayaient des Wonder Woman et qu'elles étaient grosses, là, tout de suite, c'était « Oh, c'est dégueulasse, on veut pas voir ça, tu ruines le personnage. » J'avais vu un truc comme ça sur un documentaire où, justement, c'était une fan de Game of Thrones qui était donc racisée et qui donc faisait un cosplay de Daenerys. Et du coup, Daenerys qui est très blanche, qui a les cheveux blonds, ouais. Tout ça. Et donc, du coup, elle disait qu'au début, elle hésitait un peu à faire un cosplay parce qu'elle se disait que les gens allaient lui dire « Ouais, mais quand même, et tout, t'es racisé, tu vas pas faire un cosplay d'une meuf blanche et tout. » Et en fait, elle s'est dit « Bah, je m'en fous, quoi. Juste, j'aime ce personnage, donc je fais un cosplay de Daenerys, quoi, clairement. » Et c'est vrai qu'il y a aussi toujours ce problème-là qui fait que les femmes, plus que les hommes, hein, clairement, dans cette dynamique d'être fan, prennent beaucoup plus cher. Il y a qu'à voir, par exemple, les fans de films, notamment de sagas orientées plus pour les femmes, prennent beaucoup plus cher. Tu regardes, par exemple, les fans de Twilight, elles ont pris cher et elles prennent encore cher aujourd'hui. Tu vois. Alors que Chill Out, quoi, c'est des fictions. Si vous aimez pas, c'est peut-être pas pour vous, c'est tout. Quoi. Laissez les gens apprécier. Quoi. Et c'est pareil dans les univers plus... pop culture ou, tu sais, geek, entre guillemets, les univers où les gars, ils pensent être les seuls, bah, comme Star Wars, comme tout. Ouais, mais comme ça, les trucs que Marvel et tout d'ici, quand t'as des. Ils pensent être les seuls vrais fans, ouais. Voilà, c'est quand tu es une femme et que tu dis que t'aimes ça, on te demande de le prouver, en genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a à la ligne 13 de la page 45 du bouquin d'un tel qui est sorti en 40 et quelques. Enfin, je me souviens d'une autrice qui était dans un ascenseur, ouais, comme ça, à une convention, je crois, à la Célébration. Avec un t-shirt de Leia, et il y a un mec dans l'ascenseur qui lui dit qu'il est certain qu'elle sait même pas qui c'est, et la meuf avait juste écrit un bouquin Star Wars. Oui. C'était celle qui a écrit Captain Phasma, je crois. C'est Delilah Dawson. Ouais. Pour faire un dernier aparté avant qu'on reprenne sur les chips, c'est pareil dans le mode, dans le monde de la programmation, où t'as une modèle de la marque de lingerie Victoria's Secret, qui en plus est racisé, donc il y a le racisme qui, je rajoute, en plus de la misogynie, qui défilait. Il y avait un magazine qui avait publié un article en disant qu'elle savait programmer en Python, en C++ et en je sais plus combien d'autres langages. Et tous les commentaires de mecs, c'était « Ah, je suis sûr qu'elle sait juste écrire Hello World ». Pour ceux qui savent pas, c'est généralement le tout premier truc que t'écris quand t'apprends à coder dans un nouveau langage, c'est tu fais apparaître Hello World sur ton écran. Et c'est du coup, base. C'était que des commentaires comme ça. Et en fait, elle leur a répondu avec un truc génial. Elle leur a dit la note qu'elle avait sur Stack Overflow. Elle leur a dit qu'elle était une des principales autrices du support iOS. Enfin, elle leur a donné tout son palmarès de programmation. Et... Voilà. Mais tu dois toujours te prouver, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça qui est triste, c'est que tu peux même pas juste ignorer les commentaires à la con, t'es quand même obligé de quelque part de montrer alors que tu leur dois rien, t'es pas du tout obligé de leur répondre, mais voilà, c'est ça qui c'est chiant. Du coup, on va peut-être revenir à la partie plus fun des chips. Moi, je me demandais, là, je vous parliez d'une auteure, est-ce qu'on a des cas de chips qui sont passés, enfin on avait les films, les gens les ont chippés et ensuite ils les ont mis dans des bouquins. Alors, je crois pas qu'il l'ait fait encore. Par contre, ce que je me suis dit récemment par rapport à Rise of Skywalker, c'est que Finn Rose c'est mort et ont laissé Storm Pilot assez ambigu, je pense, pour qu'il le fasse dans les bouquins. Je serais pas étonné que dans un bouquin il fasse Storm Pilot, parce que à la fin là, c'était un truc que je disais dans notre review, c'est à la fin il y a pas de couple, c'est assez étrange, hein, quand l'amour c'est censé être le truc le plus puissant dans la saga, et ça m'étonnerait pas que Storm Pilot devienne canon d'ici quelques années. Bah, je sais pas, parce que pour moi, dans Tross, le fait qu'il le fasse autant être en manque de cul envers Zori, c'était pareil. Pour bien asseoir qu'il était hétéro, quoi. Mais non, mais ils vont baiser tout ce qu'il veut. En mode hashtag po no homo, tu vois. Vraiment, c'est ça ressemblait à ça. No homo, ça peut être bi. Oui, mais ils savent pas ce que c'est bi. Ou alors, est-ce que vous pensez pas que c'est que... Ils ont eu peur des réactions avec Kelly Marie Tran, donc ils se sont dit on va lui mettre une romance, mais on va pas la mettre avec Rose. Ils se sont dit. Mais non, parce que c'était pas Finn qui avait la romance avec Zori. Ah, pardon, oui, je me suis trompé de personnage, j'ai mal compris. Ok. Disons qu'on a littéralement un token homo qui est donné à Po. Mais c'est affreux, quoi. Oui, la petite pièce ronde, là. J'ai lu des fanfictions qui étaient mieux écrites. Non, mais vraiment, mais en plus, genre, ils ont la chance d'avoir Kerry Russell dans leur film, quoi. Ouais. Et ils en font juste ils lui mettent un masque sur la tronche. Et ouais, déjà, et en plus de ça, ils en font juste un hashtag no homo, quoi. C'est affreux, quoi. Utilisez pas Kerry Russell pour faire ça, les gars, sérieusement. Toutes les actrices sont sous-exploitées. Hein, de toute façon, c'est un film extrêmement misogyne. Hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, c'est moi, je suis beaucoup, beaucoup de femmes du fandom. Ah, vraiment? oui, moi, je suis... Bah, t'as vu la taille que je fais, j'en ai beaucoup, des femmes. en moi. Non, je suis beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui font partie du fandom, et c'est vrai que Rise of Skywalker, ça fait beaucoup de mal au fandom féminin de Star Wars, et justement elles ont commencer à faire ce qu'on appelle des fixit fixes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fanfictions qui servent à réparer des choses canon, en fait. Et du coup, au lieu d'aller se battre sur Twitter par rapport aux ships et trucs comme ça, et ben elles améliorent leurs ships sur AO3 et font des petits textes des petits. Il y en a qui ont prévu des grands et c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que on n'écrit jamais autant que quand on s'est pris une grosse claque dans la gueule. J'ai envie de dire. Ah bah... et qu'on soit bien d'accord, c'est pas des trucs genre comme les gars qui ont enlevé toutes les femmes de The Last Jedi. Hein. C'est pas des trucs anti quelqu'un ou anti quelque chose. C'est des trucs qui sont généralement très poétiques, ça va être par exemple donner une meilleure fin à Leia, ça va être faire en sorte qu'il y ait un vrai happy ending, des trucs beaux qui respectent Star Wars, qui respectent l'univers, qui respectent les personnages. C'est absolument pas des trucs de haine en mode je vais retirer tous ces personnages-là parce que mon zizi il a pris un coup dur. Ouais, ah, c'est ce que j'allais dire, moi, c'est bien un truc de gonzesse parce que voilà, quand t'es un mec, tu fais un fundraising pour faire ton propre film. Voilà comment on fait. Ouais, il s'agit vraiment de, pour le coup, faire des trucs que toi tu aimes et puis au lieu d'aller répandre de la haine partout et d'aller insulter les autres gens. Sur internet, bah tu t'écris ton propre truc et puis voilà et puis ça et voilà, peut en fait, plaire c'est à d'autres gens. C'est un bon début parce qu'en fait de dire déjà de pas aller insulter les gens parce que finalement les gens peuvent se demander mais en fait c'est quoi la différence entre la manière dont les gens réagissent à The Last Jedi et la manière dont les gens réagissent à The Rise of Skywalker. Ben finalement c'est ça, c'est de pas aller chercher les gens et de les harceler, de leur dire que leur film c'est de la merde et de voilà de pas faire de pas aller faire du mal aux gens parce que t'as pas aimé le film, c'est ça la grosse différence finalement. Ouais, non, alors là c'est clair que y a aucune excuse si t'as un comportement de merde et que tu vas insulter d'autres gens parce qu'ils ont aimé le film ou parce qu'ils ont pas aimé le film ou peu importe dans quelle catégorie tu es, si tu vas directement insulter les gens juste pour leurs opinions ou ah oui. Pour tes opinions, non, arrête. Pas pour leurs opinions, parce que leur opinion, ça peut être du racisme, du coup. Mais oui, bon, généralement, oui. Insulter des gens, c'est pas cool. c'est des connards en face. Même pour les raylos, hein, y a des raylos qui sont très très mal comportés et qui ont été vraiment racistes envers John Boyega. Et ça, c'est inacceptable, hein, pour le coup. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Il y a des comportements, c'est niet. C'est clair. Et peu importe. J'ai vu des Raylo qui disaient des trucs racistes. Ben non, moi je suis désolé. Ben moi je te bloque. T'es une sale merde et puis c'est tout. Bah oui, c'est ça clairement. Ouais. Tu qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Bah tu vas signaler les comportements et tout. T'as pas d'excuses pour ce genre de comportement-là. Le seul truc pour lequel t'as une excuse, c'est de dire que Mark Hamill est un vieux con, mais bon, après, ça, ça fait longtemps qu'il dit plus rien, donc... Non, il s'est calmé. Moi, j'aime bien Mark Hamill, quand même. Oui, c'est un bon vieux. Mais voilà, il y a la confusion. Ouais, c'est ça. Pour un boomer, quand même, ça va, hein. Oui. Franchement. Ça passe parce qu'il est vieux. Il a des bons moments. Voilà. Il est pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Il a des bons moments. J'aime bien ses tweets. Il dit qu'il aime pas les films, mais voilà. Il va pas harceler les gens. Mais de manière générale, la haine, c'est pas bien. Parce que non seulement ça fait du mal aux autres, mais ça vous fait du mal à vous aussi, en fait. Parce que quand vous êtes tout le temps super haineux et super enragé, ben, vous êtes jamais heureux. Ouais, vous le sauriez si vous aviez regardé Star Wars. c'est pas nous qui le disons, c'est Yoda. C'est Yoda. Vous devriez l'écouter, lui, il a une bite. Enfin, il a une bite, Yoda. Une vieille bite de naissance. On n'a pas envie de savoir. En fait, c'est sa canne qu'il utilise pour marcher. Elle est tellement, tellement impressionnante. Bon, on n'a pas trop parlé de la prélogie. Ouais, alors, ouais, mais justement, dire, revenons au ship. Il y avait des ships dans la prélogie. Ouais, ouais, moi, il y a des ships assez rigolos d'ailleurs, parce que il y a des ships de Anakin et Obi-Wan qui me fait beaucoup rigoler parce que les gars, ils ont presque aucun atome crochu pendant les deux premiers films. C'est vraiment les mecs qui se font du angry sex. Mais ouais, voilà, c'est comment on appelle ça, c'est les tsundere, c'est les sentiments, mais ils savent pas comment les exprimer, alors c'est toujours de manière agressive. Ils auraient dû faire ça au lieu de faire un combat et finir à moitié mort dans la lave, en fait. Ils auraient dû se prendre une chambre, faire l'amour. Ouais. Ouais, l'épisode 3 aurait pu être mieux. Mais il y a aussi un ship qui moi, ça fait quelques années que j'en ai entendu parler, et à chaque fois ça me fait rigoler, c'est entre Obi-Wan et Padmé. Genre, ça c'est Anakin qui l'a foutu en ligne. C'est Anakin qui l'a inventé, celui-là. Il l'a fait, je suis trop jaloux. C'est l'ancienne version de Po Rey, ou je sais pas comment il s'appelle. De Dameray, ouais. Entre Po et Rey. Ouais. Il est pas bon, celui-là. Hein. On dirait que tu viens de goûter le truc, genre... Non. Ouais, non, il n'y a pas de cuisse, là. Et juste un truc. On est d'accord que Jar Jar Binks et Rooster Pals, il pécho. Ah, j'aime où ça va, Pals. Ça. Oui, le général. Ah, oui. J'ai cru que t'allais dire Jar Jar et la créature qui lui pète au nez, là. Non. Jar Jar, elle fait pas mal, tu sais. J'avais enfin réussi à plus oublier ce truc. C'est toi qui fais une fixette dessus, en fait. Ah oui, son petit queue. Alors, rose. Moi, il y en a un que j'ai découvert dans cette fameuse vidéo qui, à mon avis, il faudra qu'on la mette en lien, parce que ça fait la troisième fois que je la cite. C'est Cody Obi-Wan. Ah ouais, ça j'ai entendu parler. Le clone, c'est... là, ouais. Après, pourquoi pas, hein, voilà. C'est clone. L'amitié guerrière. Zeb et comment il s'appelle? Et Calus. Et Calus. Ah. Dans Rebels, parce que c'est quand même c'est pas la prélo. Non, c'est pas la prélo, mais moi je compte, enfin je m'en fous, voilà. Ouais, c'est si, pas la prélo, mais c'est avant la trilogie originale. Ouais, ouais, si ça compte. Mais c'est un joli ship. Moi j'aime bien. Ouais, mais après c'est un génocide. Attention. Zeb et Hot Calus. Ouais. Préciser. Il y a Yoda et Yaddle. Ah, c'est moche. Non, mais ça, ouais, il est un peu facile celui-là. Surtout c'est comme prendre les deux persos blagues d'un film et dire ah bah ils sont forcément ensemble. Ah, tu veux dire The Rise of Skywalker? Voilà, par exemple. C'est genre, t'as trois noirs dans le film, il y en a deux, ils veulent se pécho, et le troisième c'est le père. En plus, la mariette de Yaddle, voilà, elle fait pas envie. Hein. Peut-être ouais, qu'elle fait envie à Yoda, tu connais pas les standards de beauté de ça. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Il a bien fallu le faire, hein, Baby Yoda. C'est vrai que pour le coup, elle a l'air encore plus vigoureuse. Zeb et Calus, j'aime bien en tout cas. Si je peux y revenir après. Non, tant qu'on parle des standards de beauté et qu'on parle un peu justement de ces questions-là, il y avait quelqu'un qui avait partagé, je sais plus si c'est vous qui l'avez retweeté ou quelque chose comme ça, mais en disant que Jabba qui s'entoure d'esclaves, voilà, humanoïdes, ce serait un peu comme voilà se faire un harem d'iguane en fait. Oh yes. Un humain. Oh yes. Un petit dragon de Komodo là. Oh. Oh la vache. J'ai des frissons maintenant. Ça c'est génial. Moi je vais dans les Galapagos parfois et puis je me prends pour. Ouais. C'était beaucoup mieux dit dans le tweet, faudrait que je retrouve. Pour un forestier. Mais du coup c'est comme si tu shippais Obi-Wan et la créature là qui monte dans l'épisode 3. Ah, le petit dragon à pattes, oui, là, oui, oui. Ah, j'adore. Moche. Bah c'est ça, moi je les shippe maintenant. Oh la vache. Bah la façon dont il fait wouic quand Obi-Wan est dessus. Ah mais c'est Exhibit qui l'avait super bien imité. Ah ouais, mais là j'ai plus le coup là. Oh. il a pas revu depuis longtemps. Non, par contre Obi-Wan et le mec de Utapau qui lui fait il est ici machin, ouais, ça pourrait marcher. Du coup ça allait arrêter de shipper tout le monde. Mais Dès qu'il y a deux personnages à l'écran, ils sont shippés. Non, bah non, pas si, ils sont frères. Non, il y a aussi des personnages qui se sont... Il y en a que ça dérange pas. Il y a des personnages... Canadiens, par exemple. Non, c'est les belles-mères, les Canadiens. Bah pour le coup, un qui est un peu canon avec Obi-Wan, c'est dans The Clone Wars. Avec, un peu. Satine. Avec Satine. Oui, pour de vrai, en fait. Oui, non, c'est pas un peu. Bah, c'est un ship, mais voilà, il est canon, oui. Mais même qui, un ship, mais est-ce qu'ils ont pécho comme histoire. Ça, c'était dans un bouquin, ça, où il me semble, au départ. Ça part d'un livre qui voilà est plus qui est dans l'univers Legends maintenant, mais il me semble que ça venait de là. Ok. Ça me donc ouais, ça, ah, c'est un truc qui date. T'es sûr de toi? Oui. Bon, je peux chercher vite fait hein, pendant que vous continuez de shipper les gens. Est-ce qu'on en parle de Chewie et Han Solo? Bah j'allais y venir justement. Chewie, ah oui. Han Solo et tout le monde en fait hein. Et Lando et alors, et le moi, Faucon. En fait, Chewie, il est jamais shippé, Chewie. Bah, si. Avec Maz. On l'oublie, mais... Avec Maz. Et si, et dans la fin de l'épisode 3, quand ils disent, au revoir à Yoda, il est pas juste à côté de Tarful, oui, voilà. Si, mais Tarful, c'est son... Ouais, si, j'avoue, ça peut shipper, ouais. Ah, c'est... Non, mais qu'est-ce que vous foutez? C'est sa pote? Bah, depuis la scène de la douche, ça a dû relancer le truc, hein, entre Chewbacca et Han Solo. Franchement, à mon avis, ils ont fait cette scène vraiment que pour les shippers, quoi. Elle était parfaite. Moi, je l'ai shippée pas avant. Bah ouais, pareil, tu vois, avant, je me dis, oh. Et depuis, bah, je rêve de lui. Bah, quand même, ils sont tous seuls, tous les deux, dans le faucon. Mais oui. Toute la journée, tout le temps, en fait. C'est de se sentir seul, des fois. C'est pour ça que Chewbacca, il prend pas de médaille dans le 4. En fait, il se dit, oulala, cette fille, elle va me piquer mon chéri. C'est mort. Pas de médaille de sa part. Bref. Je cherchais une blague à faire, mais j'ai pas trouvé. On est parti beaucoup en... Des fois, ça vaut mieux, tu sais. Pour revenir à Zeb et Calus, j'y reviens, mais il est cool, ce ship, parce que déjà, il va pas... Bah... Il va pas à l'encontre du tout du canon. Non. Il marche, il marche très bien. Et en plus, on a aussi une rédemption, et pour le coup, une rédemption qui vaut la peine, puisque le mec meurt pas juste après. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Rebels et qui ont été déçus du 9, ça peut faire un petit peu de consolation, regarder Rebels. Parce que c'est une chouette rédemption. Ouais. Et c'est un chouette ship. Ça peut être du sel dans la plaie, hein, aussi. Dans Rebels, il y a beaucoup de rédemptions. Bon. Je regarde Maul, par exemple, je le considère. Rédemptionnel. C'est une à la fin. Rédemption, oui. Plus ou moins, ouais. Quand il fait un spoil de Rebels. Non, je ne sais pas du coup, mais voilà. Sans parler de rédemption, c'est un peu religieux comme ça, même simplement le pardon, en fait. Oui, pardon, c'est ça, il est apaisé, il part en paix. Ouais. Quelque part, enfin, il a pas, c'est pas une rédemption qu'il a, Calus, mais il se rachète du mal qu'il a fait, il essaie d'arranger un peu les choses, quoi, ou de faire ce qui est juste pour lui maintenant. Enfin, d'ailleurs, Obi-Wan et Maul, c'est un peu une histoire d'amour compliquée. Hein. Ah bah c'est un ship énervé encore. Hein, c'est... En même temps, Maul, il est tellement beau, c'est difficile de résister. Il y a un gros ship de Clone Wars, c'est entre Asajj Ventress et Obi-Wan aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Bon. Ouais. J'approuve. Alors, c'est... Forcément, oui, parce qu'en plus avec la série, oui. Ouais. Oui, obligé. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs à regarder. Mais d'ailleurs, il y a une super alchimie entre les deux personnages et ils jouent énormément sur cette ligne-là, dans le roman Son apprenti, qui reprend du coup des scénars de Clone Wars qui n'ont pas été faits dans la série, mais ils jouent énormément là-dessus. Mais ils ont c'est pas un ship non plus dans le livre, évidemment, il y a autre chose. Pour ceux qui l'ont pas lu, j'en dirais pas plus, mais en tout cas, ils jouent toujours cette alchimie entre les deux personnages, et c'est vrai le ship marche très bien, quoi. Et c'est un super personnage, Asajj, c'est dommage qu'ils en font pas plus de choses. Du coup, sur la prélogie, Grushkov, t'avais d'autres ships qui étaient... Bah, Asajj Ventress, c'est... Ouais. Mais c'est vrai que, par rapport à la prélogie, j'ai pas vraiment vu grand chose, mais pour une raison assez simple, je pense, c'est que... Contrairement, par exemple, aux épisodes 7 et 8, la prélogie, elle est très asexuée, on va dire. Ah ouais, à part entre Anakin et Padmé, c'est très... Sage. C'est pour ça que ça fait très bizarre dans l'épisode 9 de retomber dans un peu ce truc-là du... Ouh là là, t'es t'es bien, mais seulement quand t'es pur et que t'as pas de sesque, hein, parce que sinon... En même temps, le 8, c'était un porno en comparaison. ouais, mais c'est pour ça, je pensais qu'on partait sur un truc où on disait, enfin, non, peut-être que diaboliser le sexe, c'est une mauvaise idée, et puis au final, t'as Ray, on l'a fait redevenir un enfant habillé tout en blanc, qui est toute pure et tout, à la fin, qui n'a jamais eu le droit d'évoluer. C'est pas très bien, ça. Ouais, bref. On va pas s'étendre sur trois. Donc ouais, c'est logique, la prélogie, il y a pas tant que ça de femmes en plus. Donc j'en ai pas vu beaucoup des chips. Beaucoup de chips qui sont hétéros, c'est Captain Panaka et ça a aucun intérêt. De non, les chips hétéros, c'est pas intéressant, c'est moins intéressant. Ouais. Non, mais je voulais dire que comme la plupart, enfin, j'ai l'impression que que de nombreux chips sont surtout hétéros, donc le fait qu'il y ait pas beaucoup de femmes, ça aide pas pour rajouter un nombre de chips. Bah, après, je suis sûr que quand il y a plein de mecs, tu peux faire plein de chips homo. Hein. Oh bah oui. Bah, justement, non, j'ai plutôt l'impression de l'inverse, mais c'est peut-être biaisé par ceux dont on parle. J'avais plutôt l'impression que c'était plutôt des chips homo. Oui, j'ai l'impression qu'il y a tout, mais pour la prélo... Pour la prélo, oui, je suis d'accord. Même au niveau homo, j'ai du mal à voir les... Bah, à part ceux dont on a parlé, quoi, la Kino B1, genre de truc. Je vais y repenser, mais à part Padmé et Shmi, le reste, c'est juste des figurants, en fait. Bah, c'est ça, il y a pratiquement pas de femmes. Du coup, des chips lesbiens, c'est mort, quoi. Bah non, putain. Ou alors Padmé avec toutes ses servantes, un truc, enfin, mais... Ouais, tout en même temps, tu sais. Padmé et la reine qui la remplace. Bah, si on va dans ce sens-là, il y a tous les clones ensemble. Oh oui! Ah la vache! Je veux dire, ils sont toujours ensemble. Là, les Canadiens vont être contents. Entre les entraînements. Vu que c'est des clones, est-ce que ça compte comme de la masturbation, une partout? Ou... Ah, voilà, on aborde enfin les vraies questions. Non, ils sont pas frères du coup. Non, ils sont clones, c'est eux-mêmes. Donc ils font avec eux-mêmes. Ah ouais, donc, ça passe alors. Bon, et sinon, juste pour clarifier, je me suis planté là sur l'histoire de Satine, donc où il y avait bien une autre histoire. Vous en doutez, hein. Que je me plantais, ben oui, ben voilà, peut-être que je devrais lire les livres à un moment ou à un autre. Donc ouais, non, en fait, ce qui était la romance que Kenobi avait eue dans un bouquin, c'était avec une autre padawan qui s'appelle Siri Tashi, qui était dans la série Jedi Apprentice et Jedi Quest. Voilà. Sinon, pour embrayer sur d'autres chips, moi j'avais découvert je chie pas du tout ça, mais j'avais découvert, je sais plus comment, si, parce que j'aime bien Krennic. Et du coup, j'avais découvert qu'il y avait un chip entre Krennic et Jean. Ah, ouais. Non. Oh non. Ouais, entre Krennic et Tarkine. Mais oui. Oui, voilà. Krennic et Vador. Parce que c'est comme avec le Force Choke. C'est comme Rey et Poe, ils se parlent pas tant que ça finalement. Oui, c'est ça. Mais en fait, les gens avaient. Mais du coup, j'étais genre curieuse. Je me disais, ouais, c'est chelou. Ok. Comment ils ont développé le truc. Et du coup, j'avais lu un truc où c'était Jean pour avoir un revenu parce qu'il faut bien qu'elle mange, elle bossait dans une boîte de striptease ou un truc comme ça. Et puis lui il venait là avec sa garnison faire escale et puis du coup le patron vu que c'était la plus belle de la boîte lui disait d'aller avec Krennic, elle se retrouvait avec lui et lui il voulait rien lui faire parce qu'il la respectait et tout et du coup ils étaient surpris et puis après ils se retrouvent dans les conflits et puis après du coup il y a tu vois quelque chose une alchimie qui se passe, enfin c'était rigolo à lire, en tout cas j'aimais bien quand c'était écrit. C'est un très mauvais porno. Ouais. Mais il y avait pas de truc justement, il passait pas à l'acte. Parce que justement je me suis dit c'est ce que je dis, c'est un très mauvais porno. Mais voilà, du coup j'étais surprise, mais voilà, ça existe. Oui, il y avait un autre où ils étaient tous les deux sur une île déserte et ils faisaient l'amour dans une grotte. On n'a pas dit que les fanfictions c'était toujours bien. Hein. Non, c'est clair. Hein, mais... mais c'était pas mal écrit pour le coup, parce que c'était intéressant à lire, mais voilà, le ship, pas du tout de mon truc. Et on est d'accord. Que... La meilleure fanfic comme ça, c'est Étoile Perdue, de toute manière. On est d'accord que Chirrut et Baze, c'est ça. Ah oui, Chirrut. Le Birutou. C'est un big up à Istune qui avait trouvé ce nom-là juste après que le film soit sorti. Birut, il baise, c'est ça? Bah, c'est Baze et Chirrut. C'est tellement parfait, je veux dire. Ah, ils ont pas fait une bonne étude de naming, là. Non, c'est au clair, contraire, ils le savaient dès le départ que ça finirait comme ça. Et ouais, c'est voilà. Ça. En traduction, ils ont reçu le machin, ils ont fait hey, merde. Ah, oh, fuck. Mais ouais, oui, Chirrut et Baze, évidemment. Ok. Est-ce que... Et personne ship Mads Mikkelsen avec personne, parce que tout le monde adore Mads Mikkelsen. Non, il se ship même avec Yannick, je pense. Au contraire, tout le monde ship Mads Mikkelsen, du coup on ne dit pas en fait. D'accord. Oui, je veux dire, c'est tellement évident. Ah, il est avec Krennic bottom ou... Oh bah non, Mads, Mads top. Mads top, hein. Krennic est bottom hein. Tout le temps, ouais. De toute façon, peu importe avec tout qui le tu temps. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, ça... On va peut-être clarifier ce qu'on veut dire. Oui. Top et bottom, vas-y, explique-nous, Matt. Non, je vous laisse. Je suis pas alors, bien, bonne journée et que la force soit avec vous. Alors, top et bottom, c'est quand le les... dominant-dominé, en fait. C'est quand ils font l'amour, qui c'est qui est dominant, qui c'est qui est dominé, ou qui c'est qui est au-dessus, qui c'est qui est en dessous. Voilà, ce genre de voilà, dynamique. Voilà, donc Krennic est un bottom, de toute évidence, il aime se faire étrangler, tout ça. C'est une des, simplement une des subtilités, une des nuances du ship aussi, non ? Enfin, c'est... Bah non, je veux dire, c'est un peu une des nuances dans le ship aussi. Il y en a qui sont vont être très low, mais où ils vous imaginent ça plus dans un sens que dans l'autre. Enfin, ouais. Il y a aussi les switch. C'est plutôt... les gens qui sont les deux. Par exemple, dans Reylo, quand il est Kylo Ren, c'est un bottom. Quand il est Ben Solo, c'est un top. Voilà. C'est un switch. Ouais. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les règles. C'est un switch. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand il est Ben, c'est un switch. C'est un switch. C'était... Ils font l'amour sur le côté alors, comme ça, ils sont égaux. Oui, si donner ta vie à quelqu'un comme ça et mourir comme une merde juste après, c'est un truc de bottom, ok, d'accord. C'est un switch, il peut faire les deux. C'était validé par l'académie du ship. C'est comme il y en a un qui est switch bottom et l'autre qui est switch top. Ok, ouais, mais Kylo Ren, oui, clairement bottom. Du moment qu'il force choke encore, hein, c'est l'essentiel. Kylo Ren, c'est le mec qui voudrait être top, mais non. Quoique, ça marche. Quoique, ouais. Kylo Ren sur Mustafar, là il était top. Ah ouais. Ça montre déjà que le film a rien compris au début. Voilà, rien et Dark Vador. Oui, mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'est le seul truc qu'on lui pardonne. Le film, il a pas compris. Là, qu'est-ce qu'il fait là, il est trop... Vador, c'est un bottom ou un top? T'es sûr que c'est un bottom? Vador, il est asexué. Ouais, non, asexué. Vador, mais j'aimerais bien quand même. Mais pour moi, la plupart des grands méchants à placard comme ça, ils sont asexués. Oui, voilà, Vador, il a pas d'ici. Après, alors, techniquement... Non, vu que c'est canon, Palpatine... D'un point de vue mythologique, normalement, Palpatine devrait pas avoir de descendance naturelle. Alors rien que pour ça, tu peux dire ce que tu veux. Après, c'est vrai qu'on dit que Vador, il a pas d'ici, mais il y a d'autres moyens que le ici. Oui, absolument. Et oui, du coup, Bottom. C'est vrai. C'est le cucu. La force assistée. Mais il a pas non plus de main. Mais il a une langue. T'es sûr qu'il a encore une langue? Bah, il parle. C'est pas faux. Même si ça fait pas envie. Hein. Ça y est, il est-il en avant. Je vais y aller. Hein. Ok. Je vais vous laisser, je crois. C'est bon. C'est toi qui nous as lancé là-dessus. Hein. Écoute, on commence 2020 chaud patate. Ah ouais, là, ouais. Des fois, je dis des choses, faut pas m'écouter. Hein. Trop tard. Faut arrêter avant. En tout cas, voilà, moi, je m'écoutais pas tout à l'heure. Pourquoi tu m'as écouté maintenant? Voilà, pas ce dû. Qui est rigolo, c'est que voilà, à la base, moi, je voulais parler des ships parce que je voulais parler d'une théorie qui a été plus ou moins confirmée dans l'épisode 9. C'était la théorie de Reylo comme le River Sanidala, qui est une position du Kamasutra Star Wars. Non. Non. Ah, en vrai, tu voulais parler des chips juste pour dire que t'avais raison. Oui, Reylo, je le savais. Non, c'était pour dire que, par exemple, par rapport à ça, c'était en fait que là où Anakin, il est tombé dans le côté obscur parce que il était amoureux, mais de façon égoïste, on pensait, nous, que Kylo, donc Ben Solo, reviendrait du côté de la lumière parce qu'il était amoureux, mais du coup de façon altruiste. Et je pense qu'on peut dire que on avait un peu raison parce que il est un peu mort en redonnant la vie à la personne qu'il aimait. Il a aussi accompli ce qu'Anakin n'avait pas pu accomplir, qui était sauver la personne qu'il aime. C'est là où l'épisode 9 est très frustrant parce que il aurait dû avoir le droit du coup d'avoir sa une fin heureuse parce que il s'est pas laissé enfin tu vois il a pas fait les erreurs de d'Anakin et en plus le canon continue de montrer que c'était une victime d'abus mais ça on en reparlera plus tard ce qui pose beaucoup de problèmes mais il a réussi à sauver la personne. Dans le pire des cas, qu'il ait eu son fantôme de force. Oui, ouais, voilà. Non, mais il y a beaucoup de soucis. On en reparle. Mais voilà. Mais du coup, oui, il avait. C'était le truc de. Ray et Ben, d'une certaine façon, étaient pas des réincarnations dans le sens physique, hein, mais d'une sorte de... C'est spirituellement... Spirituellement, ils reprenaient le chemin de Padmé et Anakin et ils devaient guérir la plaie qui avait été faite dans la galaxie par ce couple, qui était Le péché originel de la saga qui était de laisser Padmé mourir, en fait. Voilà, et qui... Sauf que Cristerio, il a dit non, le péché original, c'est que les enfants étaient séparés à la naissance, même s'ils s'étaient retrouvés avant. Genre, non, c'était pas ça. C'était... Ah ! Voilà, tellement frustrant. Et du coup, le Reverse Anidala, c'était justement Rey et Ben qui allaient suivre le chemin de Padmé et Anakin, mais cette fois, ils allaient pas faire les mêmes erreurs et ils allaient réparer l'amour blessé qu'il y avait eu entre Anakin et Padmé et la relation qui avait déchiré la galaxie et la balance. Enfin, la balance, comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça, l'équilibre de la force c'est et tout ça. Et ça pose beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que l'épisode 9, pour moi en tout cas, ne règle rien, et au final, c'est à la fin, on est retourné dans un... En fait, c'est juste l'inverse. C'est juste que cette fois-ci, au lieu que ce soit Anakin qui ait survécu, C'est Padmé. C'est Padmé, mais il y a l'autre qui est toujours mort. Du coup, ils sont toujours pas réellement réunis. Ensemble, ouais. Surtout que dans celui-là, ils établissent directement que c'est des âmes sœurs, donc ça veut dire que t'as littéralement la moitié de Rey qui est morte. Sympa. Du coup, tu vois, j'ai jamais été aussi frustré d'avoir raison, justement, parce que on avait raison, mais les mecs, ils sont tombés par terre à la fin et ils ont dit bon, bah, on garde ce qu'on a écrit, mais t'as écrit quoi? Bah, j'ai écrit. Bon, bah, écoute, ça va être ça à la fin. Ray, comment? Ray, plaf. Et tout ça pour dire que des fois, les ships, en fait, ça permet aussi... Enfin, moi, j'ai surtout vu ça par rapport à Raylo, parce que c'est la plupart des personnes que je suis qui vont faire des analyses mythologiques et tout, des analyses de Campbell, qui était quand même une des principales inspirations de George Lucas, hein, avec ses mythes du héros aux mille visages, machin truc et tout, voilà. vous irez bouquin. Voir Joseph Campbell, machin truc et tout. et de voir que, des fois, écoutez un peu ce que les femmes ont à dire dans le fandom, au lieu de vous moquer d'elles dès qu'elles font un truc. D'ailleurs, arrêtez de vous moquer, en fait, ça serait bien. Voilà. Et du coup, voilà, c'était pour ça que je voulais faire l'épisode à la base avant, mais comme on avait trop de trucs à faire, on l'a pas fait. Et puis je me suis dit que maintenant que c'était fait, on allait parler de ça pour parler un petit peu de comment en fait aussi après l'épisode 9, on peut toujours apprécier Star Wars. Et donc il y a des fan art. On vient aujourd'hui sur le Discord d'ouvrir une section fan art pour en partager c'est cool et puis aussi c'est une méthode pour ceux qui n'ont pas aimé c'est une porte de sortie pour ceux qui n'ont pas aimé l'épisode 8. Et ben plutôt que d'harceler les gens, écrivez vos fanfictions. Non, c'est clair, ça marche pour tout. Et même si vous avez aimé d'ailleurs, hein, ça marche. C'est ça qui est bien, c'est ouais, que tu peux déjà faire que tu aies aimé ou que tu aies pas aimé. C'est vrai. Mais voilà, c'est une bonne façon, je pense. Donc, on en a déjà parlé, hein, les AO3, c'est là où il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, et de beaucoup de ships, si ça vous intéresse, ou voire même d'autres qui sont pas forcément par rapport à des ships, hein, si vous êtes pas intéressant et pas drôle. mais moi, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, si vous avez eu le courage d'écouter cet épisode jusqu'à la fin, ce serait que vous nous disiez quels sont les ships que vous shippez, et si vous avez envie d'expliquer pourquoi, expliquez pourquoi. Et si vous n'avez pas envie d'expliquer pourquoi, eh ben fermez vos gueules et dites juste que... Ah bah moi, vous êtes moi, bon, je suis. N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut sur. C'était rigolo d'ailleurs parce que c'était aujourd'hui ou hier, quelqu'un avait demandé au Relo quel ship de Game of Thrones il shippait. Et la plupart c'était le. Comment ils appellent ça? Le. Brienne et Jimmy, je sais plus comment s'appelle le ship. Brimi. Brimi, voilà. Brimi en anglais et en français, a priori, c'est Jamienne. C'est mignon. Oui. Ok. Que je ship aussi. Bon, en tout cas, moi, je suis devenu un pux convaincu. Voilà, il faut trouver un meilleur nom. C'est merveilleux. Mais non, c'est génial, pux. Un pux. Voilà, je suis un pux. Mais non, je vais mettre ça sur ma bio Twitter. Ah, vas-y. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Storm Pilot, mais c'est un peu le... On en a déjà parlé avant. Ouais, hein. Voilà, on en a parlé. C'est canon. De ce que ça aurait pu être. Je pense que ce sera canon bientôt. Mais t'as pas parlé de celui qui vient de ressortir, là ? Le Luke et Anne. Justement. Ah oui, c'est vrai, il y avait aussi Luke et Anne, des gens qui shippaient, a priori, dans une scène, celle où... où Anne lui dit qu'il lui en doit deux maintenant, il embrassait, Harrison Ford embrassait Mark Hamill sur la bouche, donc c'est canon. C'est beau. Voilà, trop merci. Bien. C'est trop cool. C'est, justement, on parlait de Mark Hamill, bah, c'est lui qui a partagé ça il y a quelques jours. Donc voilà, comme quoi, ouais. Tout le monde a droit à une rédemption. Je voulais dire, ouais, rédemption de Mark Hamill. Mais il va mourir dans quelques jours, ça veut dire... Mais non. c'est pas Chris Terrio qui écrit sa vie, c'est bon. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Moi je trouve ça drôle justement le Anne et Luke parce que justement tu sais, je vois bien les gens se battre en mode non, c'est Anne et Leia, c'est canon, on le voit dans le film, et l'autre qui font ouais mais c'était Luke et Leia au début et ils ont changé, et puis t'as Anne et Luke qui se partent ensemble en mode fuck that. Du coup, je réfléchis, mais pour en revenir à Jar Jar et Rose, est-ce que la réplique de Rose Starpilot qui dit « Tiens, Jar Jar, trappe celle-là », ça peut être considéré comme étant canon? c'est oui, un autre c'est niveau, bon. Là. C'était beaucoup trop Il se balance des boules et tout, je sais pas. On va y aller, hein. Ouais. Je crois qu'il faut être temps de finir cet épisode. Aussi, donc j'ai parlé de partager vos ships, mais si vous avez écrit des fanfics, n'hésitez pas à partager aussi. Ça. Et on les repartagera. Et des fanfilms aussi. Sauf si elles sont misogynes ou racistes. Il y a des fanfilms. Non, mais ça, on a déjà fait l'épisode dessus. Tu te tais maintenant. Ça suffit. Tiens, c'est vrai, ça, on n'a pas trop parlé des fanfilms, mais justement, c'est vrai que c'est plus. Il n'y a pas assez de relations amoureuses dans les fanfilms. Hein. C'est, ouais, c'est cool. Ce que j'allais dire, c'est pas très romantique les fanfilms, ça généralement. Ça dépend, ils veulent certains, juste mais, du badass machin. Très peu, très peu. Mm-hmm. Et encore moins homosexuels ou queer, quoi, c'est dommage. Voilà. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @FauconPod, sur Facebook, FauconMillennial, et bientôt sur Instagram, je crois. Peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le community manager le plus impliqué dans. D'ici là, on l'aura peut-être fait déjà. Non mais. Et bientôt le site aussi. Si tu veux. Bientôt le site. Oui, mais je voulais faire une surprise. T'es chiant. Ok. En parlant donc, de ça. Le site SITH. En parlant de fan art, je le dis maintenant parce que comme ça va peut-être me forcer à le finir. J'avais commencé il y a quelques mois un fan art de Kylo. Que j'ai avancé récemment, mais que j'ai toujours pas fini, et il est vraiment pas loin d'être fini. Du coup, je le dis ici, comme ça, je pourrais le partager, et comme ça, vous me rappellerez, il est où ton fanart? Et ça me forcera peut-être à bouger. Oh, t'inquiète, on va bien le rappeler. Ouais, avec plaisir. Shipper, arrête de shipper. Et que la force soit avec vous. Ciao. Bye bye. Salut. Bisous. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh, man.